La délégation du Parti du Travail de Corée, conduite par Kim Yong-chul, membre du bureau politique et vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, a rencontré le 24 courant au siège du Conseil d'État Raoul Castro-Ruz, premier secrétaire du comité central du Parti communiste, président du Conseil d'État et président du Conseil des ministres de la République de Cuba. Le chef de la délégation coréenne lui a transmis respectueusement les salutations cordiales et la lettre personnelle du président du Parti du Travail de Corée, Kim Jong-un, ainsi que son présent. Raoul Castro-Ruz en a exprimé sa vive reconnaissance et l'a prié de lui transmettre ses sincères salutations. Le chef de la délégation coréenne l'a prié de transmettre les salutations cordiales et de camaraderie de Kim Jong-un à Fidel Castro-Ruz. Il a formulé la position invariable du Parti du Travail de Corée de développer les rapports de camaraderie et fraternelle avec le Parti communiste de Cuba, suivant les recommandations des camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il. Raoul Castro-Ruz a félicité sincèrement la réussite du 7e congrès du Parti du Travail de Corée. Il a indiqué qu'il respecte sincèrement le camarade Kim Jong-un tout en souhaitant de le rencontrer une fois. Il a souligné que son visage identique au président Kim Il-sung, fondateur du Parti du Travail de Corée, et son écriture suffisent à montrer qu'il est un homme intelligent et passionné.